on my Cadillac. On my Cadillac to you. On my Cadillac. On my Cadillac to you. Do, do, do, do, do. Oh my Cadillac. Oh my Cadillac, oh my Cadillac too. Et elle me dit, oh, je suis pas ta Cadillac, Cadillac too. Oh my Cadillac. Oh my Cadillac, oh my Cadillac, ooh. Et elle me dit, tu crois que même pas que je suis ta Cadillac, que je suis ta Cadillac, ou non, je suis pas ta Cadillac, je suis pas ta Cadillac. Oh, elle me dit, je suis pas ta Cadillac. Ta Cadillac. Donc elle me dit, je suis pas ta Cadillac. Et pourtant, c'est ma Cadillac tout. Ma Cadillac tout. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que quand elle est avec moi, c'est là qu'elle est à moi. Et dès qu'elle s'en va, ou dès que je suis pas là, moi, ça y est, c'est fini. Plus à moi, ça c'est sûr, il y a quelqu'un d'autre à elle-même. Mais quand je suis là, avec elle, qu'elle me regarde et que je la regarde, eh ben, on est à soi. à moi, je suis à ce moment-là, juste à ce moment-là, juste à ce moment-là, juste à ce moment-là, et après c'est fini. Après c'est fini. M'appartient pas. Qu'une administration est entrée dans le rang de ce problème-là. Non, là, elle ne m'appartient pas. Juste à cet instant, quand elle est avec moi, quand je suis avec elle, on est ensemble là. Juste à ce moment-là. Après, c'est fini. Après, c'est terminé. Là, je peux dire oh ma cadia, oh oh ma cadia, oh ma cadia, oh ma cadia, oh ma cadia. Oh, my Kalia, too. Oh, my Kalia.